Je circule sur une autoroute. Placé où je suis, je peux ou bien continuer tout droit dans la direction d'Annemasse, ou bien dans la direction de Genève-Centre, qui me permettrait aussi de prendre la sortie numéro 13 vers Saint-Julien. Ces panneaux sont le dernier appel à la fois d'une bifurcation autoroutière et d'une sortie d'autoroute. Réponse A et C.